Suite des contes de Pantruche d'ailleurs, la girafe, le perroquet, la sarigue et les deux employés de la compagnie des omnibus. Fable. Deux employés ayant un haut sur leur casquette, un jeudi de l'Ascension, de la place de la Roquette, s'en vinrent au jardin d'acclimatation. C'étaient deux plaisantins de dangereuses espèces. Leur raillerie était épaisse. Ils accablaient les patraciens avec des jeux de mots un peu trop anciens, daubés sur l'éléphant et sur le dromadaire. Nul animal n'était soustrait à ces lazzi sans intérêt. Qu'eût récusé le plus stupide hebdomadaire. De vrai, quelques rustaux natifs de Barbizon, son esprit fut-il mort et sa verve tarie, eût moins vulgairement plaisanté l'otarie ou nargué le mort de bison. Ils vinrent jusqu'au parc où girafe, mamie, hausse son chef pensif et plein de bonhomie. « Oh, le sot d'animal, mais à quoi donc sert-il ? » clamèrent une voix ses esprits terre-à-terre. Argument vraiment peu subtil et bassement utilitaire. La girafe au long col ne leur répondit rien. Poursuivant leur chemin, les deux grossiers compères s'égayèrent encore aux dépens d'un saurien et de trois paisibles vipères. Un perroquet ensuite excita leur humour. Puis à la fin, ce fut le tour de Sir Jack Kangourou et de Dame Sarigue. Ce flot d'absurdité sans digue, même pour l'indifférent, était tellement écœurant que Dame Autruche, ouillant cette racaille, vomit le démêloir d'écailles et le trousseau de clés qu'elle allait digérant. Le soir amène enfin la trêve. Pour rentrer au logis, le couple s'en alla. Or, il advint qu'à quelque temps de là, le syndicat vota la grève. Cocher et conducteur, contrôleur et côtier, chacun se souleva. Descendant de son coche, le cocher dignement rendit son fouet altier et le conducteur sa sacoche. Les contrôleurs d'un air grave de sénateur rendirent leur sifflet d'ébène et le petit machin que, d'un geste de haine, ils enfoncent dans le papier des conducteurs. Or, à la préfecture, on n'emmène pas large. Monsieur Lépine est aux abois. De ce service urbain va-t-il prendre la charge avec le sergent Hoff et les gardes du bois ? Déjà, des voyageurs farouches envahissent les bateaux-mouches. Mais ces bateaux, malgré leur bonne volonté, ne peuvent atterrir devant la Trinité et ne desservent maintes rues que dans les cas de forte crue. Donc, nos deux compagnons, renommés tapageurs, s'en vinrent au matin au parvis Saint-Eustache, riant d'avance en leurs moustaches de l'émoi des sergots et des bons voyageurs. Mais leur surprise fut extrême. L'un des deux cria « Hum !» et l'autre « Caramba !» Un spectacle imprévu les rendit plus baba que feu Ali Baba lui-même. Un très vénérable éléphant gonflait ses formes idéales entre deux brancards à l'avant de l'omnibus ivri-léal. Venu de Belleville et du quartier Gaillon, des curieux faisaient une influence énorme tout autour de la plateforme. Là, Madame Surigue, à l'oreille un crayon, agitait de sa patte frêle une sacoche naturelle où tintait un joyeux mignon. La stupéfaction fut soudain générale quand la girafe, avec lenteur, promena le long de la haute impériale, au bout de son grand col, un museau quémandeur. Cependant que, joignant sa parole à ce geste, un perroquet de Bilbao criait d'en bas de sa voix preste « Pas de correspondance là-haut ?» Cette aventure prouve, entre mille aventures, que le Seigneur est très intelligent et que, par conséquent, faut pas chiner ses créatures. C'est-il lui ou bien vous, l'éternel jeune sot ? Alors, c'est toujours lui qu'aura le dernier mot. Fin. Publicité dans les salons. Quel testimonial pour un article de toilette, pour un médicament ou pour un tricycle nouveau modèle vaut mieux que la simple affirmation d'un homme du monde, affirmation émise négligemment, dans un salon ami, en présence d'une société de gens élégants. Si cette attestation est répétée quelques jours après, devant le même auditoire, par un autre homme du monde, également bien posé, il n'en faut pas davantage pour lancer tout à fait le produit dont on a célébré les qualités. C'est ce qu'a très bien compris l'agence de publicité dans les salons, la plus ancienne des agences de ce genre, celle qui possède le meilleur personnel de mondain. Quelques mots sur le fonctionnement de cette intéressante entreprise. Tous les jours, de 4 à 6, les clubmen affiliés se rendent au siège social où se distribue la liste des produits qu'il s'agit de vanter dans 2, 3 ou 4 salons. Le tarif ordinaire est d'un louis par article et par salon. Mais on a vu des gens du monde, d'une situation sociale très élevée, toucher jusqu'à 25 louis pour un seul article et pour un seul salon. Une fois en possession de sa liste, l'homme du monde a quelques heures devant lui pour réfléchir sur le tour qu'il lui faudra donner à ses propos, chercher son entrée en matière pour parler d'un certain vernis à chaussures, puis une transition pour entamer l'éloge de tel ou tel synapisme. Quand le comte de N tombe au milieu d'une belle discussion sur les forces navales de l'Italie, il lui faut une grande habitude du monde et un réel talent de causeur pour faire venir la conversation sur la lessive Babou et surtout pour expliquer comment il a été amené à en expérimenter les qualités nombreuses. Car on voit mal ce moderne Brummel quitter sa longue redingote pour se mettre à nettoyer des camisoles ou des langes de petits enfants. À côté du clubman, faiseur de boniments, il y a l'homme du monde, inspecteur, présentant de hautes garanties d'honorabilité et chargé du rôle délicat de faire des tournées dans les divers salons pour veiller à ce que les gentlemen affiliés s'acquittent de leur mission avec la conscience désirable. L'inspecteur entre dans le salon, s'approche de vous ou de moi, lit connaissance, nous offre parfois de quoi fumer et, nous désignant un des assistants, nous demande d'un ton dégagé « N'est-ce pas ce monsieur qui parlait tout à l'heure de la poudre de riz corinthienne ?» Et comme nous esquissons un geste de dénégation vague, « Vous êtes ici depuis longtemps ?» interroge l'inspecteur, comme pour parler d'autre chose. « Depuis une heure et demie à peu près. » Notre interlocuteur est fixé. Il s'approche discrètement du clubman délinquant et lui glisse dans l'oreille « Vous n'avez pas parlé de la poudre corinthienne ?» 8 francs d'amende. L'agence mondaine de publicité traite parfois de belles affaires. C'est ainsi qu'elle a dernièrement affermé, pour 6000 francs, le nez du major X. Voici l'avantage de cette petite opération. Un clubman affilié se trouve dans un salon avec le major H et lui fait les compliments les plus vifs sur la blancheur de son nez. « Eh bien, mon cher, répondit le major H, vous me croirez si vous voulez, mais il n'y a pas 6 mois, ce nez était littéralement couvert de points noirs. Et serait-il indiscret de vous demander comment vous êtes arrivé à l'en débarrasser d'une façon aussi complète ? Mais tout simplement par l'emploi de la pâte Trafalgar, qui, en moins de 6 semaines, a donné à mon nez cette blancheur que vous admirez tant. » Fin. Les poissons des grands lacs d'Afrique. Le blafard a plus de noms et plus de titres qu'un grand d'Espagne, mais il ne les porte pas simultanément. Voyageant dans les montagnes de Suisse, il prit le nom de Roger d'Andermatt à cause de la beauté du site. Mais aux régates de Chaos, il s'appelait le comte de Draguignan. Et quand je le rencontrai à Ostende, il venait justement de s'approprier le titre de prince d'Herme-Pachy tombé en déshérissance. Et il parodia ce propos un mot célèbre. Jamais le prince d'Herme-Pachy ne se souviendra des services pécuniaires rendus au comte de Draguignan. Ayant suffisamment voyagé, il acheta un cabinet d'affaires et s'établit à Paris. Bien qu'il affecte un élégant nonchaloir, le blafard est un homme d'action qui se préoccupe avant tout de vendre la peau de l'ours et d'en toucher le montant. Si la Providence veut que par la suite l'ours soit mis par terre, il est toujours temps de trouver un second acquéreur. Par un beau matin de mai, comme il côtoyait le code en compagnie d'un ami, il vit venir à lui un homme intelligent qui lui proposa une grande entreprise, la vente en gros des poissons des grands lacs d'Afrique. Le blafard eut au fait d'installer en plein boulevard une superbe boutique où, chaque matin, des brochets, des carpes, des tanches, amenés vivants dans des caisses d'eau douce, étaient exposés à la devanture. Les poissons des grands lacs d'Afrique ressemblent d'ailleurs beaucoup à ceux de la Marne. On prépara pour l'émission une belle liste où figuraient des chevaliers, des officiers et même des commandeurs d'industrie. Le blafard résolut à ce propos de se procurer le ruban rouge. Le blafard se disposa à obtenir sa croix par une habile pression sur l'opinion publique. Il acheta une main de papier ministre et couvrit la première feuille d'une pétition ainsi conçue. « Monsieur le directeur des postes et télégraphes, les habitants du quartier Saint-Athanase, quartier commerçant par excellence, où l'heure du courrier est généralement très chargée, vous prient instamment de reculer de 15, et si possible, de 30 minutes, la dernière levée des boîtes postales. Veuillez, etc. » Tous les habitants du quartier donnèrent leur adhésion, par besoin réel ou par indifférence. Le blafard eut sa main de papier couverte de 11 000 signatures. Il enleva alors purement la première page et la remplaça par une requête rédigée en ces termes. « Monsieur le ministre du Commerce, habitant du quartier Saint-Athanase, nous prenons la liberté de signaler à votre Excellence la noble conduite d'un de nos concitoyens, Monsieur Aubert Albin Le Blafard. Depuis les longues années qu'il vit au milieu de nous, Monsieur Le Blafard s'occupe avec un zèle infatigable d'une quantité d'œuvres philanthropiques. Fondateur des sociétés chorales d'octogénaires, président de la fameuse Ligue de protection des parents martyrs, Monsieur Le Blafard est l'objet de notre admiration constante. Qu'un décret de vous attache la croix sur sa poitrine et 22 000 mains d'électeurs frappées en cadence salueront cette œuvre de justice. Veuillez, etc. Suivent les 11 000 signatures. Le ministre envoya des commissaires enquêteurs qui déjeunèrent chez Le Blafard et rapportèrent dans leur poche la conviction intime que Le Blafard était un homme généreux. La nomination parut à l'officiel, on prépara des prospectus et les poissons des grands lacs d'Afrique continuèrent à affluer dans les eaux de la Marne par des conduits souterrains. Fin. En sabots. Le duc de Sableplein fit un soir son petit compte de caisse et s'aperçut que des biens paternels, manoir ancestral et terre du Languedoc, il lui restait un bon de poste de 4 francs et 2 billets de tombola. Et cependant, autour de lui s'élevaient comme d'insolents donjons les hautes fortunes des parvenus arrivés à Paris en sabots. Un tel arrivé à Paris en sabots avait réalisé des millions en louant chaque soir à tous les directeurs de théâtre du monde des appareils brevetés pour la claque mécanique. Tel autre, venu à Paris, en sabots, avait constaté les excellentes propriétés purgatives de l'eau de Seine. Il s'était installé à Vienne, où il avait vendu cette eau de Seine en flacon. Il la fabriquait d'ailleurs sur place, avec de l'eau du Danube, des dessous de bras en caoutchouc et de vieux microbes. Et le duc de Sableplein, dont, depuis des temps reculés, les ancêtres étaient toujours arrivés à Paris dans de somptueux carrosses. Le duc de Sableplein n'avait à lui que 4 francs en bons de poste et 2 billets de tombola. Alors il résolut de s'acheter avec ses 4 francs une paire de sabots rustiques et de sortir lui de Paris en sabots. Vêtu d'un costume de voyage et chaussé de sabots en bois blanc, le duc de Sableplein est sorti de Paris par la porte de Flandre. Faute d'une publicité suffisante, cette manifestation passa d'ailleurs totalement inaperçue. Après avoir traversé des banlieues et des banlieues, le duc s'arrêta au bord d'une rivière et se prit à réfléchir sur l'inanité de sa protestation et sur l'incurable tristesse de sa position sociale. Puis, il prit un de ces bains froids qui durent très longtemps et d'où l'on sort, quand on en sort, un peu tuméfié et en assez vilain état. Le duc de Sableplein est entré dans l'au-delà en sabots. Il sera le parvenu des félicités éternelles, si dit vrai l'Écriture. Fin. Les aimables causeurs des salons. Je venais de faire représenter à l'ambigu mon grand drame en 6 actes, Le secret du marchand de gaufres. J'avais donc maintenant un petit renom dans le monde littéraire. Aussi ne m'étonnais-je point quand mon ami Z, délégué par la comtesse de Bonnepoire, me demanda de bien vouloir accepter à dîner chez cette noble dame le samedi de la semaine qui suivrait. Dîner chez la comtesse de Bonnepoire, en compagnie d'écrivains réputés, de notables médecins et de distingués hommes de guerre, c'était pour le petit Renon, dont il est parlé plus haut, une véritable consécration. « Fis-je, pour ne pas accepter trop vite. La semaine prochaine, je serai bien pris. »« C'est comme vous voudrez, » répondit Z. « Moi, il me semble qu'un bon dîner, un cachet de 40 francs et des cigares à discrétion, ce n'est jamais à dédaigner. Aujourd'hui, je me rendis chez la comtesse, où je trouvais divers personnages illustres. Victor Cherbulier, qui touchait 45 francs, Alphonse Allais, 70 francs par séance, Camille Saint-Saëns, au mois, plus divers médecins, 30 francs en temps ordinaire et 120 francs pendant les épidémies, car en ces moments, leur conversation devient passionnante. Ce n'était pas la saison des peintres, mais qui, à cette époque de l'année, n'avait généralement aucune saveur. Je ne perdis pas ma soirée. Comme j'avais franchement égayé mon coin de table par des plaisanteries des plus spirituelles, le maître de la maison fut satisfait et me pria de revenir toutes les quinzaines. De plus, Victor Cherbulier me fit connaître un autre monsieur qui donnait des dîners et qui, lui, pouvait se permettre de rémunérer très largement ses convives de marque. Il faisait en effet payer les places à ses invités moins notoires. Les places d'honneur au milieu coûtaient 40 francs et les places debout de table, un louis seulement. Tous ces invités payants étaient d'ailleurs fort convenables et quelques-uns même avaient tout à fait grand air. Pourtant, de légers murmures coururent dans l'assistance quand on prévint que Célie Brunhomme ne pouvait venir en ce jour-là. On présenta à sa place M. de Bornier, qui n'avait pas été annoncé dans les invitations. Personne ne redemanda son vestiaire et personne ne s'en repentit, car M. de Bornier fut étincelant. Ludovic Alévi était aussi de la fête. Mais j'appris qu'on le demandait surtout dans les bals blancs. Quant à Armand Sylvestre et à Jules Lemaître, ils faisaient plus particulièrement les banquets d'anciens élèves. Trois fois la semaine, ils allaient remémorer des souvenirs d'enfance, choquer leurs verres avec des messieurs qu'ils appelaient leurs condisciples et boire à la prospérité des diverses boîtes où jamais d'ailleurs de leur noble vie ils n'avaient fichu les pieds. Fin. Le roi Dagobert. Le bon roi Dagobert entendit un jour comme un gros bruit d'abeilles. C'était le pape qui murmurait. Saint Éloi, toujours bien informé, expliqua les murmures. Le pape, excité par des meneurs, se plaignait de la monarchie absolue. « C'est bon, » répondit le roi, « je vais leur donner une constitution. » Mais l'autocrate Saint-Éloi refusa d'associer son nom à cette politique. Saluant son roi avec un sourire amer, il s'éloigna et rentra dans la vie privée. On procéda à des élections de députés. Des professions de foi s'inscrivirent à la pierre noire sur la façade des maisons, le vin coula abondamment dans les auberges, durant que des héros, dans les carrefours, criaient les noms et qualités des candidats. Le Parlement, une fois élu, s'assembla. Ce fut un beau spectacle. Mais quand ses enfants avaient été sages, le bon roi les conduisait à la salle des séances, où les députés s'entrarrachaient la barbe, rudoyaient les côtes et dévoraient les narines. Or, l'événement prévu arriva. Un matin, le bon roi Dagobert enfila sa culotte à l'envers et, de la sorte accoutrée, présida le conseil des ministres. Du temps que Dagobert était un bon tyran, Saint-Éloi eut coupé court à l'incident en disant à son maître « Sire, votre majesté est mal culottée ». Mais Saint-Éloi et ses amis politiques grossissaient désormais le parti des mécontents. On put lire en grosses lettres sur les manuscrits de parchemin qu'on vendait le soir au coin des rues. Un scandale au palais, une majesté mal culottée. L'affaire suscita une grosse émotion dans les cercles. Naïm de Montmartre, Augier du Vexin et Charibert de Montsouris la portèrent à la tribune. Mais après discussion, la majorité servile déclara que, confiante à la bonne tenue de l'exécutif, elle passait à l'ordre du jour. « Soit, dit Saint-Éloi, les voix parlementaires ne nous mènent à rien. » Essayons d'autre chose. Des maisons et des palais, enflammés par une poudre magique, s'effondrèrent ou volèrent en éclats. « Je suis un bon roi, » dit Dagobert. « Pourtant, l'intimidation, ça ne prend pas avec moi. » Et, enhardi par ses conseillers, non content de laisser sa culotte telle, il retourna sa veste, son bonnet royal et ses pantoufles. Alors, d'autres maisons s'enflammèrent de plus belle, mais je ne puis vous en dire davantage. La page de mon précis d'histoire s'étant arrêtée là. La Rix. Sur le boulevard de Charonne, Henri, dit Pellafeu, et Auguste, dit Gustave, en sont venus aux mains. Et, malgré le froid, une assemblée nombreuse de personnes oisives ou occupées suit les péripéties de la bataille. Si aucun pari ne s'engage sur son issue, c'est que l'angoisse de la lutte suffit à passionner les spectateurs. Les premiers coups parés assez habilement, les deux adversaires à peine touchés ont repris du champ pour un assaut décisif. Et les cœurs battent à voir ces quatre yeux se regarder si terriblement qu'il y en aura sûrement tout à l'heure au moins deux de bochés. Et aussi à entendre grincer ces dents blanches dont l'effectif ne sortira point indemne d'une telle aventure. Ils s'élancent l'un contre l'autre, avec une si violente furie que les plus timides parmi les spectateurs conçoivent le projet de les séparer, mais ils n'y donnent aucune suite. Depuis quelques instants, je m'étais mêlé à la foule, je sortais de mon usine de Charonne et j'avais résolu de faire quelques pas sur le trottoir en attendant ma voiture. Je fendis brusquement les rangs du public et je m'avançai dans le champ clos où je fis tout de suite sensation avec mes larges favoris noirs et ma haute stature. Flegmatiquement, je remis ma canne à un des assistants et je me dépouillai de ma pelisse de fourrure que je remis à un autre. Méthodiquement, je saisis Pellafeu par l'épaule droite et Auguste dit Gustave par l'épaule gauche. Et, comme mécontent d'être interrompu, il paraissait se rebiffer, j'envoyai d'un coup de poing Gustave à 6 mètres et d'un autre coup de poing Pellafeu à 6 mètres 50 environ. Ce bel exemple de force physique enthousiasma les spectateurs qui m'acclamèrent avec un touchant ensemble, à l'exception toutefois des deux gentlemen qui détenaient ma canne à pomme d'or et ma pelisse de fourrure et qui, blasés sans doute sur ce genre de spectacle, s'étaient en allés avant la fin. Fin. Péripétie. Mon oncle Guépier achetait à bas prix de vielles descentes de lit, peau d'ours ou peau de loup. Il en doublait les par-dessus qu'il revendait comme de riches pelisses au monde élégant de Francfort sur le Main. Il revint en France avec 2 millions qui n'avaient pas d'odeur et qui fleuraient pourtant aussi bon, pour nos nez avides, que toutes les roses du Bengale. Mes frères et moi, nous avions à cette époque, rue Lafayette, au 4e étage, un bureau de banque et d'affaires qui s'appelait le comptoir de la navigation lacustre. Il n'y venait d'ailleurs pas plus de navigateurs ni de personnes ayant un rapport quelconque avec la navigation que si c'eût été un comptoir spécialement consacré aux aéronautes. Nous y passions scrupuleusement 3 heures le matin et 3 heures l'après-midi. Et l'on ne s'ennuyait pas trop, car nous avions tous les jours à deviner, dans les quotidiens, un bon nombre de mots carrés, de mots en étoile et de problèmes chiffrés. Le temps de chercher les solutions qu'il fallait envoyer par la poste, l'heure du dîner arrivait assez vite. Je vois encore au mur un portrait du steamer de la ligne Cunard et un tableau des pièces de monnaie à refuser, qui ne fut jamais consulté que par désœuvrement. Notre oncle Guépier, par un mot rapide, nous annonçait son arrivée et nous priait de venir le voir au plus tôt dans un appartement meublé qu'il occupait provisoirement rue d'Amsterdam. Nous nous décidâmes à y aller tous les trois et nous laissâmes fermer pour un jour le comptoir de la navigation lacustre. C'est justement parce que nous serons sortis qu'il viendra du monde aujourd'hui, disait mon frère Adrien. Personne d'ailleurs ne vint non plus ce jour-là. Nous embrassâmes le frère de notre mère et sa rude barbe blanche. Il était gros, bon vivant et affable. Son cou apoplectique rayonnait comme l'aurore de notre fortune prochaine. Mais nous fûmes fort désappointés quand notre oncle Guépier nous présenta une jeune Allemande, sèche et rousse, que, sans dire gare, il avait épousée 8 jours auparavant. Nous fîmes pourtant bonne figure à cette personne. L'oncle nous paya un bon dîner dans un restaurant voisin. Et les bons vins aidant, nous nous consolâmes peu à peu de son mariage. L'héritage sans doute risquait fort de nous échapper. L'oncle, cependant, jusqu'au jour de sa mort, avait le temps de nous rendre différents services, car bien qu'il n'eût jamais rien demandé à personne, et pour cause, le comptoir de la navigation lacustre se fut accommodé d'une subvention. Le lendemain, nous apprîmes à notre éveil que l'oncle Guépier était mort dans la nuit. Nous nous empressâmes de nous rendre rue d'Amsterdam, où notre tante, le visage gonflé de larmes, gémissait en allemand. Sans avoir l'air de rien, nous eûmes tout fait d'apprendre que l'oncle était mort sans testament. Nous étions ses héritiers directs. Nous décidâmes sur l'heure que le comptoir s'appellerait prochainement comptoir général et qu'il s'occuperait de la navigation lacustre, fluviale et maritime. L'excellent oncle laissait près de 2 millions des actions aux mines, un fonds de chapellerie à Strasbourg et une maison publique à Francfort. La petite femme n'avait rien de tout cela, mais nous ferions certainement quelque chose pour elle. On lui paierait son voyage pour retourner dans sa famille et on lui laisserait prendre avec elle un certain nombre d'objets mobiliers. « Faites bien attention, nous dit un jurisconsulte, tout n'est pas fini et vous n'avez pas encore l'héritage. Si naissait un enfant posthume ?»« Oh, le bonhomme était bien vieux, objectai-je. Mais la petite femme est jeune. Elle a 10 mois devant elle pour s'adjoindre un petit héritier qui, sous l'œil ironique de la loi, s'appropriera les 2 millions de monsieur votre oncle. » Dès le lendemain, du matin jusqu'au soir, nous entourâmes de prévenance et d'une surveillance habile la tante Guépier. De 8 heures à minuit, il y avait toujours quelqu'un de nous trois chez elle en permanence. On lui offrait son bras, si elle voulait faire un tour de promenade, et régulièrement, chaque nuit, nous faisions le guet à sa porte. Aucun symptôme, heureux pour elle, alarmant pour nous, ne se révéla pendant les premières semaines. Aussi, au bout d'un mois et demi, nous relâchâmes notre surveillance. La tante allemande ne paraissait pas disposée à mal faire, et d'ailleurs il était désormais difficile que l'enfant usurpateur arrivât dans les délais. Nous n'allâmes plus rue d'Amsterdam qu'une ou deux fois par semaine. Nous étions très préoccupés par certaines difficultés de la succession. Quant au comptoir de la navigation, il commençait à prospérer. Nous fîmes une affaire de 75 francs avec un monsieur qui s'était trompé de porte, et pour ouvrir une comptabilité spéciale, nous achetâmes à cette occasion pour 150 francs de fourniture de bureau. Il y avait 5 mois que l'oncle était mort, et les formalités de la succession étaient loin d'être terminées. La maison publique de Francfort compliquait la situation d'une façon terrible. Elle appartenait pour un tiers au défunt, pour un tiers à une principauté d'Allemagne, et pour le reste à des héritiers mineurs. À ce moment, il vint de la rue d'Amsterdam des bruits alarmants. Depuis quelques semaines, la petite Allemande était sujette à des malaises assez fréquents. Elle portait des peignoirs assez lâches et évitait de sortir en taille. Mais nos calculs nous rassuraient, il n'arriverait pas à temps. 9 mois et demi se sont écoulés depuis la mort de l'oncle Guépier et les affaires de la succession se régularisent peu à peu. Nous allons d'ici peu de temps entrer en possession et le comptoir de la navigation s'installera en plein boulevard. La tante allemande nous inquiète un peu. Elle est évidemment mal conseillée. Malgré sa grossesse, elle fait toutes sortes d'excentricités. On a été jusqu'à dire qu'elle montait à bicyclette. Oserait-elle au péril de sa vie hâter la venue de notre pseudo-cousin ? Une vieille bonne à nous, que nous avons placée chez elle, nous envoie un jour au télégramme. Madame Guépier a été prise des douleurs ce matin. On arrive tous les trois à rue d'Amsterdam. C'est par une lourde après-midi d'août. Dans la salle à manger de vieux chênes, un Allemand, maigre et barbu, est assis près de la table. Est-ce le frère? Est-ce le cousin de notre tante? Serait-ce l'ami complaisant qui est intervenu pour nous déposséder? Nous nous saluons poliment. Chacun de nous s'assied dans son coin et l'on attend. À intervalles réguliers, de grands cris s'élèvent dans la chambre voisine. Nous attendons 2 grandes heures. Parfois, la porte s'entrouvre et nous apercevons le médecin en bras de chemise, les manches retroussées. Les cris sont plus rapprochés, plus violents. La vieille bonne ouvre enfin la porte. Un garçon, dit-elle, et elle ajoute, il est mort. Je la suis à la cuisine. Il est mort? Mais est-il né viable? S'il n'est pas né viable, c'est important pour nous. Il ne pouvait pas vivre, dit la vieille dame qui faisait chauffer de l'eau. Il avait le gosier bouché et un nez de cochon. Je rentre gravement dans la salle à manger et, parlant dans mes temps, je dis à mon frère Adrien, il avait le gosier bouché et un nez de cochon. Et puis je dis de même à mon frère Lambert, pas né viable, gosier bouché, nez de cochon. Tous deux comprennent, maîtrisent leur joie et inclinent la tête d'un ton grave. Les gémissements continuent. Même après la délivrance, elle souffre encore, la petite Allemande, pour qui nous avons maintenant une pitié attendrie, et à qui, malgré ses mauvaises intentions, nous ferons certainement une petite rente, pour la récompenser d'avoir mis au monde un enfant aux narines bouchées avec un groin de cochon. Les cris redoublent, ils sont effroyables. « Ah, la pauvre femme !» disent ensemble les trois directeurs du comptoir de la navigation. « Mais quelle est cette autre voix aigre ?»« Pourquoi la porte s'ouvre-t-elle brusquement ?»« Nous nous précipitons vers la vieille bonne. »« Il vient d'en arriver un autre, souffle-t-elle. »« Entendez-le, qui piaille ?»« Il est bien vivant, celui-là. » Fin. La foire au pain d'épices. Quand nous eûmes quitté mon oncle, chez qui nous avions dîné, le blafard me paya le café à la brasserie voisine. Puis nous nous dirigeâmes vers la foire au pain d'épices. C'est moi qui payais les tramways. Le blafard me fit les honneurs du diorama. Moi, je lui offris le rat de 12 kilos. En revanche, ce fut au frais de mon ami que je touchai le gros mollet de la dame rousse. Nous faisions montre l'un et l'autre d'un détachement de grands seigneurs dans ce méticuleux assaut de politesse. Mais c'était entre nous un accord tacite pour mépriser tous les spectacles qui coûtaient plus de 10 sous. Comme c'était mon tour de régler, j'avisai avec empressement une modeste petite baraque et je parus très alléché. Entrée 25 centimes par cette mirifique enseigne. Venez voir la 8e merveille du monde. La foule estimait probablement que c'était assez de 7 merveilles pour un vieux monde tel que le nôtre. Car nous nous trouvâmes seuls, le blafard et moi, à l'intérieur de la baraque, devant un rideau d'andrinople usé. Soudain, sortant d'un dessus jamais où, un monsieur mal vêtu apparut à nos côtés. Il avait une voix fort éraillée, sans doute à cause de sabres avalés de travers. Il écarta le rideau d'andrinople et qu'aperçûmes-nous dans une solide cage de fer. Un paisible vieillard, en habit de ville, assis sur une chaise de paille, les deux mains croisées sur un parapluie vénérable. Habitants des villes et des campagnes, s'écria l'humble Barnum, riverains des fleuves et des marais, fonctionnaires maladifs, bourgeois casaniers, et joyeux loups de mer, nous ne venons pas vous exhiber ici des hommes sauvages, car vous en avez assez vu. Et le beau miracle, vraiment, de se nourrir de viande crue. Nous en mangeons tous de la viande crue, par ordonnance de notre médecin, ou par incurie de notre cuisinier. Le rare messieurs, le prodigieux, mesdames, serait de manger de la viande cuite à point. Honorables assistances, le phénomène que nous avons l'honneur de vous présenter ici est un phénomène unique, justement dénommé la 8e merveille du monde par toutes les sociétés savantes. Fin. Voyage en Orient. 16 mars. Quand Roger et ses compagnons eurent visité la Palestine, ils traversèrent l'interminable plaine de Gore et s'arrêtèrent pour méditer, tel le voyageur légendaire, devant les ruines violettes de Gandoura. Ils virent aussi l'enclos de briques noires où les fières tribus amalécites se lamentèrent jadis sous la colère d'Yahvé Sebaou, l'Élohim des Élohim. Le seul Elohim, celui qui n'était pas au coin du quai. Puis, ayant pris conseil de ses compagnons, Roger résolut de s'acheminer vers le sud, où croissaient les oliviers rouges et les gigantesques bananiers de l'Arabie heureuse. 19 mars. Ils suivaient au trot allongé de leurs chevaux aux Arabes la blanche route d'Ossor Ménéi. Derrière eux, sur quatre maigres chameaux aux poils fauves, venaient quatre circonciennes fournies par une agence anglaise dont un eunuque à cheval portait les initiales sur sa casquette cirée. Deux grands palmiers, bénisseurs immobiles, bordaient le chemin silencieux. 24 mars. Les voyageurs s'abreuvaient largement d'eau-de-vie de grains et d'une liqueur du pays, les ratés, qui ressemble à de la chartreuse bleue. Ils étaient donc ivres, la plupart du temps, comme des cochons de Mésopotamie. Aussi s'égaraient-ils fréquemment dans de mauvaises routes. Quittant Louskaté, ils tournèrent pendant 3 jours dans une petite étendue de sable qu'ils prirent pour un vaste désert. Ils étaient épuisés de fatigue quand ils firent la rencontre d'un indigène. Celui-ci les conduisit à Karkaroum, où ils connurent enfin, à la joie des habitants, qu'ils se trouvaient dans l'Arabie heureuse. Tous ces Arabes étaient en proie à une douce allégresse. Ils parcouraient les rues en sautillant et faisant claquer leurs doigts. Ils s'écriaient « Bat, bat !» Roger, qui savait la langue du pays, demanda à un Arabe « Pourquoi êtes-vous tous si contents ?» Et l'Arabe répondit « Parce que nous sommes dans l'Arabie heureuse !» 25 mars. Avant de quitter Karkaroum, ils firent visite à l'imam du pays. C'était un quinquagénaire de haute taille, dont la barbe était noire et drue et les sourcils rasés. Il était très vénéré et réputé pour sa science. Il avait 18 femmes et plus de 300 enfants. Mais il ne s'était pas contenté d'engendrer ses enfants sottement et sans méthode, ainsi qu'agissent la plupart des imams de l'Arabie heureuse. Il avait dressé des tableaux méticuleux où figuraient l'âge, la hauteur, le tour de taille de ses femmes, leur poids aux différentes époques de la gestation, l'indication de leur tempérament, de leurs habitudes, de leur régime alimentaire. Il avait également dressé d'autres tableaux relatifs au poids et à la taille de ses enfants aux différents âges de la vie. Il se livrait à d'instructives comparaisons sur les enfants consécutifs d'une même mère et sur des enfants engendrés à la même époque par le même père et conçus par des mères diverses. Sa principale sagesse consistait d'ailleurs à ne tirer aucune déduction de ses observations si passionnantes à recueillir. 29 mars. Quittant Karkaroum, les voyageurs gagnèrent Karkabé, où ils furent reçus princièrement par un vieil imam vénérable et où les attendait la plus curieuse aventure de leur voyage. Roger et ses compagnons furent logés au palais, mais bien que les lits fussent confortables, ils dormirent mal, car des bruits inquiétants se faisaient entendre dans les couloirs tortueux du sérail. Et par moments, on percevait le sifflement d'un cimeterre que quelque homme de garde aiguisait sur une pierre polie. Le lendemain, l'imam fit venir Roger et lui dit ces paroles. « Tu ne quitteras pas mon pays sans en emporter un souvenir durable. Je donne aujourd'hui une grande fête en ton honneur. Et je t'ai réservé une surprise. » Ils se rendirent tous dans une large plaine où des estrades officielles étaient dressées. L'imam y prit place, ayant à ses côtés le Voudak, chef de la marine marchande, et le Goulayeb, aseptiseur des cure-dents royaux. On avait tracé un chemin au milieu de la plaine et tous les 100 mètres environ, le long de ce chemin, se dressait un kouba, un mât de couleur verte surmonté d'un croissant d'or. Un vadaï, capitaine, amena à Roger un cheval arabe richement caparaçonné. « Tu vas, si tu veux, dit l'imam, enfourcher ce cheval et au signal que je donnerai, partir au galop sur ce chemin. Après un laps de temps fixé par moi à l'avance, le sonneur de trompette que tu vois là sonnera de son instrument. Au moment où la trompette sonnera, il faut que tu aies mis pied à terre sous peine d'être à l'instant même livré au bourreau. Si tu tiens la vie, il est donc plus prudent de laisser là ce cheval et de venir t'asseoir près de moi sur l'estrade d'où tu suivras le reste de la fête. « Seulement, je tiens à te prévenir que si, ayant enfourché le cheval, tu arrives au premier poteau, avant que la trompette ait sonné, tu toucheras 1 000 sequins d'argent. Si tu parviens au deuxième mât, tu auras 10 000 sequins. Au troisième, 100 000. Au quatrième, 1 000 000. Et ainsi de suite, selon la même proportion. Mais prends garde à l'appel de trompette. » Roger n'hésita pas. Il se dit qu'il atteindrait sans péril le deuxième poteau. Il mettrait pied à terre et se contenterait d'emporter 10 000 sequins, un peu plus de 10 000 francs de notre monnaie. Il éperonna son cheval et, sous une clameur enthousiaste, passa devant le premier mât. 1 000 sequins. Éperonné à nouveau, l'étalon arabe, en quelques puissantes foulées, atteignit le mât des 10 000 sequins. Mais Roger ne s'arrêta pas. Le poteau des 100 000 sequins était proche et était à peine dépassé que le cavalier, penché sur sa monture, aperçut le quatrième. 1 000 000 de sequins. La fortune ou la mort. L'immense clameur de la foule s'était écroulée tout à coup, et entre la double haie d'angoisse, le galop du cheval s'entendait seul dans le vaste silence. Au moment où Roger dépassait le cinquième mât, 10 000 000 de sequins, un subit pressentiment lui fit quitter la selle et sauter prestement à terre. Il était temps. À peine touchait-il le sol libérateur que l'appel de trompette sonna solennellement dans l'espace, noyé aussitôt dans les cris débordants des spectateurs. Roger gisait à terre, contusionné, mais il était heureux, ayant conquis la fortune. Une chaise turque portée par 2 Arabes le ramena auprès de l'Iman. 31 mars. On festoya jusqu'au matin, on festoya encore le jour qui suivit. Le surlendemain, au moment de faire ses préparatifs de départ, Roger, qui n'avait pas encore touché ses 10 millions, alla trouver le vénérable Iman, à qui, avec la plus grande courtoisie, il demanda quelles étaient ses habitudes de paiement. L'Iman eut alors un bon rire et s'écria « Goulaim, Boder, Kataïb, Esdash ? Vous avez cru à cette innocente plaisanterie ?» Roger ne répondit rien. L'Iman poursuivit « Karadim, Sibouaj, Medeir, vous sous Arouim, Bédé ? Alors vous pensiez toucher 10 millions pour avoir parcouru 500 mètres à cheval ?» Et il ajouta en français « Vous n'avez vraiment pas la trouille. » Fin. L'aventure de Pierre Arabin. Pierre Arabin se réveilla brusquement et se cogna la tête au plafond. Pourquoi donc avait-il la tête si près du plafond ? Il tâta le sol, puis il tâta le plafond. Le sol était à 60 cm du plafond. La maison s'était-elle télescopée, renfoncée comme un chapeau claque ? Mais à droite et à gauche, les murs s'étaient resserrés aussi, tout contre ses épaules et ses bras. Il donna alors un vigoureux coup de poing au plafond, qui se souleva et se renversa de côté. La lumière fut. Pierre s'aperçut qu'il était au fond d'une sorte de puits rectangulaire de 2 mètres de profondeur. Il escalada un des murs et se trouva bientôt assis au bord du puits sur la terre fraîche. Autour de lui, des selles de pierre et de marbre, de petits enclos fermés de grilles, de la verdure. Tout à côté de lui, à sa droite, une dalle dressée avec cette inscription sur du marbre rouge, « Famille Arabin et Achille, Pierrette Louise Eulalie Arabin, née Achille, née en 1810, morte en 1876, Georges-Pierre-Paul Arabin, né en 1807, mort en 1887. » C'étaient les noms de sa mère et de son pauvre père. Il faisait frais. Pierre Arabin eut un petit frisson. Il dit qu'il était en habit. La terre humide avait marqué de taches jaunes ses manches et son pantalon. Le devant de sa chemise était chiffonné, mais cela n'avait pas d'importance. C'était un devant non empesé. Il pouvait être 5 heures du soir. Le grand jardin n'était peuplé que de pierres et de marbre. Aucune ombre furtive ne passait entre les petits enclos. Pierre Arabin se mit debout et s'étira. Ses épaules, ses reins étaient bridés d'assez fortes courbatures. Il était ahuri et avait les pieds froids. Il s'éloigna, les mains dans ses poches, vers la grande allée. Il arriva devant la porte du gardien-chef. Personne ne lui fit d'observation. On le prit sans doute pour un restant d'enterrement qui s'était attardé sur tombe. Il sortit donc tranquillement du Père-Lachaise, en habit et sans chapeau. Sur le boulevard extérieur, il entendit un son de trompe. Il vit un petit enfant habillé en marquis Louis XV qui passait avec ses parents. Il en vit un autre habillé en officier, avec un képi trop large et un petit grand sabre. « Ah oui, se dit-il, ce doit être aujourd'hui la mi-carême. » Un fiac à galerie passait. Il jeta l'adresse de son petit appartement de garçon, 64 rue du Colisée. Les coussins de la vieille voiture étaient à peine secs. Il faisait humide comme dans la terre. Pierre Arabin grelotta et se mit à pleurer. Il pleurait sans savoir pourquoi. Il ne songeait à rien. Et il semblait que son court séjour dans la terre lui eût fait perdre l'habitude de penser. La voiture allait au pas, au milieu de la foule. Il pleuvait. La boule sur le sol était rose de confettis écrasés. Les arbres s'agrémentaient tristement d'une frondaison de carnaval. Autour de leurs branches nues, des serpentins multicolores s'en mêlaient comme des cheveux de femmes autour d'un vieux peigne. Quand le fiacre eut échappé à la cohue des quartiers centraux, Pierre Arabin sentit poindre en lui une anxiété. Quel effet allait-il produire chez lui, sur son concierge et sur son domestique? Il descendit lentement du fiacre et s'avança à tout petits pas vers la loge. Mais le concierge était sorti. Une voisine gardait la loge. « Y a-t-il quelqu'un à l'entresol ?» demanda Pierre Arabin. « Vous ne savez donc pas ?» dit la voisine. « Le monsieur l'entresol est mort lundi dernier. On l'a enterré hier. Et il n'y a personne là-haut. Vous pensez, le domestique est parti. On a mis les scellés. » Pierre Arabin n'avait pas sa clé. On ne pense pas enterrer les morts avec leurs clés. Il manquait aussi d'argent. Il avait seulement au doigt une bague avec un petit brillant. Il résolut d'aller la vendre. Il remonta dans ce vieux fiacre, grommelant, et se fit conduire rue de la Paix. Il eut peine à trouver une boutique ouverte. Un bijoutier le regarda avec de petits yeux et lui dit cette phrase textuelle. « Ce n'est pas dans mes habitudes de faire des affaires avec des personnes sans chapeau. » Il remonta dans sa voiture et se fit conduire chez son chapelier, qui l'accueillit sans étonnement. Arabin se dit « Il n'a pas reçu de lettre d'enterrement. » Ce n'était pas exact. Le chapelier avait bien reçu un faire-part que lui avait fait envoyer le domestique de Pierre. Seulement, en voyant Arabin, il s'était dit simplement « Ce n'est pas lui qui est mort, ce doit être un de ses parents. » Le chapelier était pressé, il avait décidément des favoris trop sérieux pour être disposé à écouter des histoires extraordinaires. Arabin lui fit donc un petit récit banal, une bousculade sur le boulevard où il avait perdu, disait-il, son chapeau. Le chapelier lui choisit un beau haut de forme, puis il lui dit, songeant aux parents morts, « Je vais vous mettre un crêpe. » Arabin, un peu ahuri, ne protesta pas. Le chapelier le coiffa d'un chapeau à large crêpe, et se trouva ainsi porté de son propre deuil, ce qui l'attrista profondément. Il trouva ensuite un joaillier qui lui donna 250 francs pour sa bague. Arabin se sentit moins triste quand il eut de l'argent. Il résolut d'aller dîner à son restaurant habituel. « Je vais faire mon petit effet », pensa-t-il. Mais tout se passa discrètement entre la caissière et le garçon. « Qu'est-ce que vous prétendiez donc que M. Arabin était mort ?» dit la caissière. « On m'avait dit, » répondit le garçon. Pierre avait un grand appétit, mais dès les premières bouchées, sa faim s'apaisa et il ressentit à l'estomac une vive douleur. « Avez-vous vu M. Cernot et M. Deloufeuille ?» C'étaient ses deux amis intimes, ses associés de fête. C'était eux qui avaient dû la veille conduire son deuil. « Je les retrouverai, » pensa-t-il, au bal de l'opéra, car il savait bien qu'ils iraient au bal comme à l'ordinaire, qu'ils ne seraient pas plus tristes que de coutume. Qui ne crierait pas pour s'étourdir, et qu'il dirait paisiblement toutes les demi-heures. Ce pauvre bougre d'Arabin. Un journal du matin annonçait dans un écho spécial la disparition d'un joyeux fêtard, Pierre A., que les habitués de Jam connaissaient bien. C'était un bon garçon, sans prétention. Cette mort fera pleurer les beaux yeux de Jeanne de Meungues, et un peu aussi ceux d'Alain Chartier. Qui n'est pas une ingrate. « Ces pauvres amis, » dit Arabin attendri. « Enfin, je les retrouverai tout à l'heure à l'opéra. » Il s'acheta un faunet, une barbe, puis il se rendit au bal. Pendant une heure, il attendit Lucien Cernot. Enfin, il aperçut, à la sortie d'une loge, le front dénudé et la grande moustache blonde de son ami intime. Il s'approcha de lui pour l'intriguer, il changea sa voix et dit simplement, car il manquait d'imagination, « Bonjour, Cernot. »« Bonjour. »« Je suis un ami de Pierre Rabin, » continua Pierre Rabin. « Ah, le pauvre bougre !» dit Lucien Cernot. Il s'éloigna. Rabin le suivit. Plus loin, ils rencontrèrent Jean de Loufeuille. « Bonjour, Louf !» dit Pierre Rabin. « Je suis un ami de Pierre Rabin. »« Ah, le pauvre bougre !» dit Loufeuille. Tous trois s'en allèrent dans le bal. Cernot et Loufeuille ne prenaient aucune garde à ce compagnon inconnu. Quant à Pierre Rabin, il évitait de brusquer les événements et s'en désintéressait peu à peu. Il oubliait même par moments qu'il venait d'être enterré vif. Cernot et Loufeuille se laissèrent faire quand leur mystérieux compagnon les invita à souper. À table, à mesure qu'approchait l'instant fatal où il allait arracher son faux nez et sa fausse barbe, Rabin se sentait de plus en plus ému. Son émotion augmentant encore quand Cernot lui raconta les détails de sa mort au bar, une congestion rapide après une ingestion d'un certain nombre de cocktails. Rabin reculait toujours l'instant du coup de théâtre. Ils étaient complètement partis. Et si on vous disait qu'Arabin n'est pas mort, qu'il était en léthargie et qu'il est sorti de sa tombe, dit-il tout à coup d'une voix étranglée. On a vu des choses plus extraordinaires, dit Cernot. Et si on vous disait qu'il n'est pas loin de vous, on lui ferait dire de s'amener, dit posamment Loufeuille. Et si c'était moi, Arabin, dit Arabin, osant encore chez son faux nez. Tu blagues, dit Cernot. Je blague, dit Arabin. Et il retira, non sans peine, son faux nez et sa fausse barbe, dont les élastiques s'accrochaient à ses oreilles. C'est bien lui, s'exclamèrent Cernot et Loufeuille. Ils poussèrent un éclat de rire énorme. Pierre Rabin se contenta de cette manifestation. Pourquoi n'as-tu pas dit ça plus tôt, dit Cernot. On aurait rigolé au bal. Il faut aller chez Alice, dit Loufeuille. Mais Alice n'était pas chez elle. Et chez Jeanne demain, on ne leur ouvrit pas. Aussi furent-ils réduits à errer dans les maisons amies, où malheureusement la nouvelle de la mort d'Arabin n'était pas encore répandue. Partout, il faisait récit de son aventure. Mais alors que certaines de ces dames l'écoutaient complaisamment, d'autres semblaient distraites, et la plupart disaient « Tu n'as rien de plus gai à nous raconter. Tu ferais mieux de payer une bouteille de champagne. » Fin. Incident passionnel. Il était 5h du soir. On avait semé l'après-midi durant une petite neige parcimonieuse. La nuit tombée, je m'étais aposté près de la grande maison sombre et je vis des choses que les passants affairés n'avaient pas l'air de voir. Sous la large porte, des gens de tout âge et de toutes conditions allaient et venaient, les uns violemment, les autres appelant, comme des ombres éternelles. Je vis sortir une vieille dame hautaine qui avait dû être belle. Elle tenait à la main un long poignard, gainé de cuir florentin. Elle passa devant moi sans me regarder et disparut dans la foule. Et presque au même instant, la suivante à quelques pas, sortit un étrange petit vieillard à la barbiche rude, lequel boitait, marchait précipitamment et tenait sous son bras droit une vieille mandore. Et le vieillard lui aussi disparut parmi les passants. Mais voici qu'une autre vieille femme quitta à son tour la grande maison sombre. Celle-là était courte et large. Elle serrait contre sa poitrine un coffret de bronze. Elle s'arrêta un instant sur le seuil, parut hésiter et se perdit dans la foule. Où donc s'en étaient allés ces mystérieux personnages? La vieille dame au poignard, le vieux monsieur à la mandore et l'autre vieille dame au coffret de bronze. Mais ce n'était pas pour me poser de telles questions que je stationnais depuis 3/4 d'heure devant le sombre bâtiment de l'hôtel des Ventes. Il faut vous dire que la veille au soir, j'avais fait la connaissance d'une femme mariée, d'une grosse femme mariée de 32 ans, à qui j'avais donné rendez-vous à ce coin de la rue Drouot et de la rue Rossini. Mes affaires avaient marché rondement. Rencontré aux abords de la gare Saint-Lazare, la grosse dame mariée toléra que je marchasse à ses côtés. Nous causâmes. Quand j'eus appris qu'elle était de bonne famille, qu'elle avait pour mari un commerçant honorable, je l'invitai à dîner pour le soir même, en cabinet particulier. Mais elle était attendue chez elle. Elle accepta mon rendez-vous pour le lendemain. Je l'accompagnai jusqu'à son train et je pris, incontinent, une voiture pour aller conter la chose à mon ami Édouard. Édouard me demanda si la grosse dame était jolie. Je répondis « Non, pas précisément. » C'était en effet une grosse dame sur la beauté de laquelle les avis pouvaient être partagés. Et je voulais enlever à Édouard la satisfaction bien légitime de la découvrir laide au cas où il la rencontrerait à mon bras. Ma soirée au boulevard fut allègre, troublée seulement par un calcul dont je ne sortis point. Peut-on, avec 80 francs, épuiser toute la série des plaisirs suffisants pour épater une dame indulgente de la banlieue ouest ? Assise à la terrasse d'un café, je regardais les passants avec le contentement du monsieur qui a une liaison en vue, son pain sentimental cuit pour quelques semaines, et la perspective de pouvoir se reposer ensuite, au moins pendant 6 mois, sur les lauriers de cette première bonne fortune sérieuse. J'allais dans l'après-midi du lendemain retenir 2 places pour les remords d'Albert, pièce moderne en 3 actes, à qui, quelques jours auparavant, la presse fait un succès moyen. Il y a des pièces, vous savez, à qui la presse avait fait un accueil assez tiède, et qui malgré ça se sont très bien. Et puis, au sabord des succès tapageurs, les marchands de billets sont si durs. 2 places dans une baignoire. En arrivant de bonne heure, en donnant 40 sous à l'ouvreuse, on avait de fortes chances d'être seul. La grosse dame arriva à 6 heures. Un fiacre nous emmena vers le petit restaurant très convenable que m'avait indiqué mon ami Édouard. Chemin faisant, je l'embrassai tendrement et nous échangeâmes nos petits noms. Elle s'appelait Rosalie. Puis j'entamai une longue dissertation pour démontrer la supériorité du restaurant où nous allions sur d'autres restaurants moins confortables, quoique plus à la mode. On nous installa dans un petit cabinet. Je pris la carte et je proposais quelques plats compliqués, qu'elle refusa discrètement. On s'entint finalement au potage et à des viandes froides assorties. Pour corser l'addition, qui restait bien au-dessous de mes prévisions, si restreintes qu'elles fussent, je commandai, signal des galantes entreprises, une bouteille de champagne dont nous parvînmes, en nous forçant un peu, à absorber la moitié. Nous nous rendîmes à 8h15 au théâtre. C'est certainement un plaisir de raffiner que de se trouver seul dans une salle de spectacle. Mais pour le bien goûter, il faut s'appeler Louis de Bavière et avoir voulu cette solitude. Je constatais avec amertume que la presse avait encore exagéré le succès des remords d'Albert. Et j'aurais presque consenti à payer des passants pour garder les banquettes. Enfin, quand le rideau se leva sur la grande pièce, je m'estimai heureux de compter 23 personnes au parterre. En regardant attentivement la scène, on n'apercevait pas le vide du balcon. Soudain, Rosalie me saisit le bras et me montra au 3e rang de l'orchestre de Monsieur Grisonnant que je l'avais vu rejoindre la veille à la gare Saint-Lazare. « Mon mari !» Elle dit simplement « mon mari » et non pas « ciel, mon mari » comme les dames ont l'habitude de le faire dans les romans en semblables circonstances. Bien qu'ennuyé moi-même, je pris un air dégagé et je rassurai Rosalie. Nous étions bien cachés au fond de la baignoire, isolés dans notre pur amour, par un treillis de bois doré. Elle était triste et agitée. Je lui proposai de partir pendant un acte, mais les remords d'Albert, au cours de la scène 3 du 2, nous parurent tellement poignants que nous attendîmes la fin, désireux de voir la pauvre héroïne débarrassée du lourd fardeau qui opprimait son âme. Au cours du 3e acte, nous travaillâmes une seconde fois par conscience et sans ardeur au déshonneur du monsieur de l'orchestre. À la fin du spectacle, nous laissâmes les 23 spectateurs réclamer paisiblement leur vestiaire et nous attendîmes 10 bonnes minutes dans la baignoire. Mais la fatalité voulut qu'à notre sortie, le mari fût encore devant la porte. Nous nous trouvâmes nez à nez avec lui. Qu'allait-il se passer ? Il ne se passa rien. Il affecta de ne pas nous voir. Je fis monter Rosalie, hébétée, dans une voiture. Elle poussait des petits sanglots réguliers et répétait « Mon Dieu, qu'est-ce qu'il va me dire en rentrant ? Mon Dieu, qu'est-ce qu'il va me dire en rentrant ?» Elle me promit, en me quittant, un rendez-vous pour le surlendemain et des nouvelles le plus tôt possible. Je ne reçus rien et elle ne vint pas. Les journaux, cependant, ne relatèrent aucun drame conjugal dans la banlieue ouest. L'affaire était-elle classée ? 2 mois après, Rosalie m'écrivit une lettre de 4 pages. Elle me priait de lui prêter 50 francs. Je portais dans un noble geste la main à mon portefeuille, qui se trouva malheureusement être vide, mais je devais toucher 200 francs la semaine suivante. J'en distrairai 2,5 louis que j'enverrai à Rosalie. Je ne sais quelles circonstances m'empêchèrent de mettre ce petit projet à exécution. Fin. La Duchesse Poison. Scène 1. La scène représente la terrasse d'un café du boulevard vers 6h du soir. Muche, dit Théodore de Soupière, est assis devant une table. Il a demandé de quoi écrire et consulte fébrilement sa montre. Théodore de Soupière est l'auteur du roman La Duchesse Poison, qui paraît en feuilleton avec un grand succès dans le Cri National. Passe un confrère et ami, le petit Dufiel. Dufiel. Embêté ? Soupière. Très embêté. J'ai mon feuilleton à écrire pour tout à l'heure. Et j'ai déjà manqué un jour hier et aujourd'hui. Je suis obligé de le faire absolument. Et j'ai rendez-vous dans un quart d'heure avec une femme tout à fait épatante qu'il me sera impossible de lâcher de la soirée. Est-ce que tu suis mon feuilleton ? Dufiel. Oui, assez régulièrement. Soupière. Je ne te demande pas d'appréciation. Tu pourrais me rendre un sacré service. Fais-moi mon feuilleton d'aujourd'hui. Tu n'as rien à faire, Dufiel. Dufiel, tu es dur. D'ailleurs, je n'ai rien à faire. C'est malheureusement juste. Soupière. Ça va, hein ? Tu es vraiment chic. D'ailleurs, je touche 5 louis par feuilleton. Ça te fera 5 louis de bon. Dufiel. Ça ira complètement si tu peux m'avancer les 5 louis qui seraient bien reçus à l'heure actuelle. Tu dois être galeteux. Soupière. Les voilà. Travaille, mon vieux, mais ne fais pas bouger l'action. Piétine sur place. Allons, tu es vraiment chic. Tu connais Kuhn, le secrétaire de rédaction du Cri National. Porte-lui la copie comme si je t'en avais chargé et corrige toi-même les épreuves. Le correcteur est un peu loufoque. Kuhn passe son temps à faire des réussites avec des dominos. Au revoir, vieux. Bien, chic type. Scène 2. 9h du matin. Le ménage Balbus est encore couché. Auguste Balbus n'étant pas allé au bureau ce matin-là, la jeune madame Biadbus attend avec impatience le retour de la bonne qui, en revenant du marché, doit monter le Cri National. Balbus. C'est si intéressant ce feuilleton ? Madame Balbus. Oh, mon chéri, tu n'as pas idée. Je n'ai jamais vu un aussi beau feuilleton. Je ne comprends pas que tu ne le lises pas. Balbus. Est-ce que j'ai le temps de lire ces machines-là ? Madame Balbus. Oh, pour 5 minutes que ça te prendrait chaque jour. C'est si joli. Tu ne peux pas t'imaginer. Tu devrais le suivre à partir d'aujourd'hui. Je te mettrai au courant en te racontant le commencement. Il a déjà paru 45 feuilletons. Balbus. De quoi s'agit-il ? Madame Balbus. Écoute. Il y a d'abord Claude Fatal, qui est un médecin de village, et qui a recueilli une enfant, une petite fille, qu'il a trouvée dans la neige. Cette petite fille est restée pendant 6 mois entre la vie et la mort, et le docteur a fini par la sauver. Figure-toi que cette petite fille n'était autre que la fille du duc de Chanteclair, qui a épousé en seconde noce une méchante femme qu'on appelle la Duchesse Poison. Et il ne se doute pas que la Duchesse Poison, qui se donnait pour une Italienne, la comtesse de Rolina, est en réalité la femme du vieux médecin que Claude Fatal a chassé de chez lui un soir d'hiver. Personne ne connaît tous ces secrets-là. Qu'un domestique du château, le vieux parfait. Ce n'est pas tout. Figure-toi que la jeune fille trouvée, qui a déjà 23 ans, et qui est très pure et très chaste, aime un jeune officier de marine nommé Léonard. Quant à elle, on ne connaît pas son vrai nom, mais Claude Fatal l'a appelée Glorieuse. Parce que le soir où elle a été trouvée dans la neige, c'était la date anniversaire d'une des 3 journées de 1830. M. Balbus a écouté distraitement cette histoire, ayant pour le moment d'autres préoccupations. Les malheurs de Claude Fatal l'intéressent peut-être moins que certaines particularités anatomiques de Madame Balbus. Quelques minutes après, quand la bonne apporte le journal, les deux époux sont étendus côte à côte. Ils ne disent rien, ils ne disent mot, et paraissent sommeiller. Madame balbuse, non, sans langueur. Auguste, lis-moi le feuilleton, on dit, tu es plus près de la fenêtre. Balbuce jette d'abord un coup d'œil rapide sur les derniers cours du soir et sur les nouvelles de Madagascar. Puis, il entame la lecture du 46e feuilleton de la Duchesse Poisson. Balbuce, lisant. Glorieuse s'était levée de bonne heure ce matin-là. Un gai soleil entrait par la fenêtre au rideau de mousseline dans la chambre virginale. La jeune fille s'habilla pour descendre au jardin et, comme elle allait sortir, elle se souvint qu'elle avait oublié de se laver depuis 2 jours, le visage et les mains. Elle passa rapidement un linge mouillé sur son nez et sur ses oreilles. Soudain, elle sentit qu'on la saisissait à la taille. C'était Claude Fatal, le brave docteur. Il appuya sa bouche édentée sur les lèvres de Glorieuse et lui donna un baiser prolongé. Madame Balbuce, non, il n'y a pas ça. Balbuce, regarde-toi-même. Madame Balbuce, c'est sûrement une faute d'impression. Ils ont imprimé sur les lèvres au lieu de sur le front. Balbuce disant, sais-tu qui est à la porte, dit le docteur Fatal à Glorieuse. Le vieux parfait, le domestique du château. Qu'il entre, dit Glorieuse. Lui seul peut éclaircir le mystère de ma naissance. Le vieux serviteur, courbé par l'âge, fit son apparition. Laissez-moi seul avec lui, dit-elle au docteur, qui quitta aussitôt la chambre. La jeune fille s'approcha alors du vieillard, lui redressa les épaules et lui planta sur la bouche un rude et passionné baiser. S'interrompant, tu es dégoûtant ton roman. Madame Balbuce, ce n'est pas possible ce que tu dis là. Balbuce, regarde-toi-même. Madame Balbuce, alors c'est une tactique de la part de la jeune fille. C'est certainement une tactique de sa part. Balbuce, c'est une tactique un peu bizarre pour une jeune fille. Lisant. Le vieillard fit signe à Glorieuse que le moment des révélations était venu. C'est une tactique un peu bizarre pour une jeune fille. Lisant. Le vieillard fit signe à Glorieuse que le moment des révélations était venu. Chapitre 27. La vengeance de l'amiral. Pendant ce temps, que faisait Léonard? Madame Balbuce enthousiaste. Ah, tu vas voir Léonard comme il est sympathique. C'est l'officier de marine et le fiancé de Glorieuse. Il est admirable d'intégrité, de loyauté et d'honneur. Balbuce. Léonard, tout en se rendant chez la veuve de l'amiral, additionnait mentalement les sommes qu'il avait encaissées dans sa tournée du matin. Il avait touché 55 francs chez Georgette. La nuit avait été moins bonne pour Maria, qui n'avait amené que 2 louis. Quant à Irma, elle arrivait comme toujours bonne première, avec 70 francs. Et encore, Léonard soupçonnait d'en cacher. S'interrompant, mais c'est absolument ignoble. Et voilà le monsieur que tu me présentes comme la personnification de l'odeur, de l'intégrité. Madame Balbuce, tu ne comprends pas. Moi, je ne sais pas ce qu'il veut dire avec ces histoires de femmes et d'argent, mais tu comprendrais, comme moi, si tu avais lu le feuilleton, que Léonard n'est pas capable d'une chose ignoble. Balbuce, il se fait simplement entretenir par des femmes, ton Léonard. C'est dégoûtant qu'un auteur ose prêter un tel rôle à un officier de marine. Si c'est ça ta littérature, je t'en félicite, c'est du propre. Madame Balbuce, avec autorité, je te répète que Léonard n'est pas capable d'une chose ignoble. S'il agit ainsi, c'est qu'il a ses raisons, qui sont des plus généreuses et des plus désintéressées. Continue. Balbuce, Léonard arriva chez la veuve de l'amiral. Madame Balbuce, c'est elle qui a élevé Léonard, c'est une sainte. Dès qu'elle vit entrer le jeune homme, elle se précipita à son cou. « Prends-moi, prends-moi » s'écria-t-elle avec véhémence. Il l'entraîna vers le fond de la pièce. Madame Balbuce. « Non, ce n'est pas possible. Il n'y a pas ça. » Balbuce. « Tu m'embêtes, je n'invente pas. Dis-toi-même. » Madame Balbuce. « Il n'y a que Léonard fait ces choses-là avec la veuve de l'amiral ?» Balbuce. « Mais regarde-toi-même. » Madame Balbuce, atterrée. « Mais c'est sa grand-mère !» Fin.